J'aime pour ceux qui n'aimeront plus jamais. J'aime pour celles qui n'aimeront plus jamais. Dès que t'es dans la rue, les magasins, les bars, tu vois. Tous ces gens qui piétinent, piétinent, total toutes leurs amants, total toutes leurs amants. Juste pour avoir l'air affranchi, eux qui n'ont jamais rien franchi. Surtout pas la franchise d'avoir le cœur sur la main. J'aime pour celles qui n'aimeront plus jamais. J'aime pour celles qui n'aimeront plus jamais. L'amour est une qualité qui dure infiniment. Qu'il y ait mille, un million, dix milliards. Ça ne s'use jamais. Tout le contraire des matérialismes qui ont toujours une fin dramatique. Matérialisme n'est qu'une quantité très limitée, très limitée. Le ridicule de tous ces drogués et drogués en manque d'argent, en facile, d'argent en ou en fou. C'est bien eux qu'il faut soigner, soigner. C'est bien eux qu'il faut soigner, soigner. Et respecter les amoureux, respecter les amoureux. Chose que tu n'as jamais fait depuis 30 ans. J'aime pour ceux qui n'aimeront plus jamais. J'aime pour ceux qui n'aimeront plus jamais. Faut me croire quand je te dis que l'important c'est d'être aimé. Qu'as on d'attendre d'être aimé en retour. C'est toi qui reçois les merveilles, qui révolutionne ton cœur. L'autre reste au désert avec son miroir de narcisse. C'est toi qui reçois les merveilles. L'important c'est d'aimer sans rien attendre en retour. L'amour vrai est une rébellion. L'amour vrai est une rébellion. Elle disait je n'ai plus qu'un cheveu qui soit rebelle. J'aime pour celles qui n'aimeront plus jamais. J'aime pour celles qui n'aimeront plus jamais. Avec des sournoises violences, ils hurlent après les 70. Où ils croient naïvement que toute gentillesse et générosité s'y sera réfugiée. Ils veulent tuer les 70, mais d'embrasser l'amour et le partage. Ils veulent abolir, j'aime pour ça qu'ils n'aimeront plus. J'aime pour ceux qui n'aimeront plus jamais. L'amour vrai c'est de partager le fric. Tout le reste n'est qu'imposture. Le sexe comme dictature nous laisse un peu plus seul, plus vide. L'amour physique reste sans issue. J'aime pour ceux qui n'aimeront plus jamais. J'aime pour ceux qui n'aimeront plus jamais. J'aime pour celles qui n'aimeront plus jamais. L'amour est banni du capitalisme. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. L'amour est la forme la plus censurée des expressions féminines. L'amour est la forme la plus censurée des expressions féminines. Même et surtout par ces anti-femmes machos qui ne comprennent plus que les nions, les mensonges et la soi-disant farcenée. Farcenée. Farcenée. Farcenée. J'aime pour ceux qui n'aimeront plus. Qui n'aimeront plus jamais. J'aime pour ceux qui j'aime pour celles qui n'aimeront plus jamais. J'aime pour celles qui n'aimeront plus jamais. j'aime pour celles qui n'aimeront plus, qui n'aimeront plus jamais, qui n'aimeront plus jamais.